Salut Zachro, c'est le Big Ben! Et Antithèse! Slime rétro-piqué! Marie-Lune! Tester Alpha! Et Tanuka! Pour le podcast des accros, félicitations, vous êtes présentement en train de nous écouter notre spécial 4e anniversaire des accros des jeux. Comment ça va, gang? Ça va bien. Ça va super bien. Fantastique! Combien présentement, c'est la raison pourquoi que on s'est tous levés, et vous aussi qui nous écoutent, on s'est tous levés mardi le 25 septembre pour cette seule et unique raison, pour célébrer le 4e anniversaire du podcast des accros. Ça peut, fallait se laver! Fuck! Je pue! C'est ça, la vie, hein? Alors, ceux qui devinent, Slimy est présentement joué par Retro. Alors, on lui a lancé le défi de faire tout le show complet en Slimy. On va voir quand est-ce qu'il se tanne. Quand est-ce qu'il n'y aura plus de voix non plus? Oui. Je suis prêt! Il est même couleur de mes yeux, de toute façon, arrêtez donc! Tu sais que tu sonnes comme Bibi Geneviève? C'est juste Bibi, moi Geneviève. Ouais, il sonne juste comme Bibi, c'est ça. Triste d'insulte, puis je garde quand même le sourire! On va aller voir! Hein? Hey, Slimy, t'es-tu plus hot que Tails? Tails, c'est un renard à deux bits. Alors. J'espère que vous avez enregistré ça, la gang, sérieux! On va aller regarder nos fans qui sont présentement live, qui vont nous écouter sur YouTube. Inquiétez-vous pas, si vous nous écoutez en différé via le podcast, il y aura également un prix qu'on va faire tirer parmi tous ceux qui vont nous écouter en différé. Mais d'ici là, on va faire tirer des jeux aujourd'hui parmi les fans qui vont être présents au spécial. Alors, on va dire un petit bonjour à la gang. Bonjour à Dave, Rad, Philippe Saint-Jean, David Forget, Doctor Who, Glee Lover, Cara Geek, Purse Mac, Dave Bitaillon, je ne sais pas ton famille. Sébastien Leblanc, oui. Kevin Doré, Moonwolf 53 et Névrose. Alors, salut gang, content de vous voir et au courant du show, on va faire tirer des prix. Alors, à partir de ce 15 minutes, dans quelques secondes, donnez-moi le temps, je vais juste aller chercher un générateur de temps, un minute, je veux dire. Alors, dans les 15 prochaines minutes, je vais faire tirer un prix au hasard parmi tous ceux qui auront dit « Je veux tel jeu ». Alors, donnez-moi un petit instant. Je fais ça rapidement. Est-ce que les membres du staff peuvent participer au concours de ce soir? Oui, ceux qui ont gagné, on va donner une chance aux autres de pouvoir finalement avoir un autre titre. Fait que pour tous ceux, il y a seulement le prix final qu'on va faire tirer, c'est le prix de ton t-shirt et ton affiche. Ouais, okay. Ceux-là, on va leur faire tirer à la fin pour tout le monde, incluant ceux qui ont gagné. Alors, à partir de ce 15 minutes qui rentre, ceux qui diront « Je veux The Binding of Isaac oh. ». Oh. Vous avez 15 minutes pour nous écrire sur le chat présentement si vous désirez avoir Binding of Isaac incluant son DLC. Ça, c'est un esti bon jeu! Excellent jeu! Deux slimes de brilleur! Qu'est-ce que vous avez joué dernièrement? Je vais commencer avec. On va commencer avec Slimy. À quoi tu joues, Slimy? Angry Video Game Nerd Adventures! Et comment tu joues vu que t'as pas de main? Là, j'embarque sa manette, pis ça marche. T'embarques sa manette. Mais oui. Ça doit pas être super efficace, mais... Peux-tu nous faire une démonstration devant ta caméra, s'il te plaît? C'est un petit peu gênant, là, c'est comme personnel. Come on, Slimy, là. Qu'est-ce qu'on les autres? Là, c'est parce que ça implique mes organes génitaux, là! T'es pas asexué? Quoi, ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu n'as pas de sexe et que tu te reproduis par toi-même. Et donc tu fais de la division cellulaire. Une mitose. Ah, une mitose, merci beaucoup. Hey, je vais me coucher mon niaiseux à ce point. Yes. Bienvenue à Discovery Accro des jeux. Ok, on va aller du côté antithèse. À quoi tu joues ces temps-ci? Écoute, J'ai renoué l'amour avec Family Guy sur, mais c'est pas sur version PSP, non PlayStation 2. Comble de malheur, le jeu ne fonctionne, bug au bout du troisième niveau. Alors là-dessus, je rajoute Curse You EB Games. C'était sûrement un piège pour leur, entre guillemets, bullshit. Oh, rajoute, donne-nous 2 piastres, donne-nous 2 piastres pour une garantie prolongée, donne-nous 2 piastres. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est beaucoup de Killer is Dead et beaucoup de encore. Je suis accro à ce jeu, c'est le cas de dire. Project Cross Zone. Oui, effectivement. Dans ma deuxième game. T'as pas encore réussi à finir le jeu, là? Non, j'ai fini le jeu. J'étais à ma deuxième partie de Project Cross Zone. Ok. On va aller du côté à Marilyn. À quoi tu joues ces temps-ci? Pas grand chose. Oui, je joue à quelque chose. Je joue à Paper Mario 3DS, encore et toujours, parce que je peux pas m'en passer. C'est rendu un jeu fétiche pour moi ces temps-ci. Puis sinon, je joue à des petits jeux QQ d'iPhone qui valent pas la peine d'être nommés. C'est correct. C'est vrai, c'est la vie. Il y a des fans de Candy Crush. Puis c'est correct. Non, c'est pas Candy Crush. Jamais. D'accord. Tanuka, de ton côté? Mais moi, je joue à aller à l'université et à pas avoir le temps de jouer. Hey, ça, c'est un jeu qui est hot! Ah oh, ouais, c'est... Tu veux c'est le même jeu que toi? moi aussi, je vais jouer, moi aussi. Disponible ouais, si tu veux m'aider. Go. Toi, ta gueule! Je pense pas que tu me sois une grande aide, par contre, mais... C'est ça. Et Alpha, de ton côté? Moi, je divise mon temps de jeu entre The Narc of Napishtim au PS2 et le fameux, grandiose et inimitable GTA V. C'est vrai? Hey, écoute, la semaine passée, on en a même pas parlé. C'est ça qui est plus drôle. On n'a pas parlé de GTA V tandis que c'était la grosse semaine de GTA. Ouais, on en a parlé un petit peu parce qu'il y avait. Ouais, je pense qu'on en a parlé, mais. Très brièvement. Pas totalement là. Moi, j'ai joué à GTA V à toutes les jours quand ça part dans mon auto. Quoi? Ok, t'es capable de conduire? Il n'y a même pas de bras. Oui, es-tu capable? T'es trop petit. Oui, oui, je suis capable, parce que je suis une humaine. Je suis expansive. Non, mais raciste, Marie. Je suis pas raciste. Qu'est-ce que t'as contre les racistes? Je suis réaliste. Je suis réaliste, vois-tu? Ah, ok. Ouais, mais ils peuvent conduire à deux, là. Non? Parce que vous comprenez pas, un slime, là, ça a des pouvoirs mystérieux et inexplicables. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour ça, Marie, tu dois t'exprimer publiquement, tu dois t'excuser devant Slime et toute la communauté Slime pour ce que tu leur as fait. Je te demande de t'excuser publiquement, s'il te plaît. Je peux-tu faire en bonne compagnie, au moins? Ouais. Ah, Todd, moi, Todd, je l'aime pas. Mais moi, je l'aime, bon Todd. Il est pas beau. Ben moi je le trouve cute! Bon, ok. C'est pas grave, il a son champignon sans tête. En tout cas, Monsieur Slime, je m'excuse et à toute la communauté Slimes de vous avoir blessé. Ouais, ok, c'est correct. De mon côté, je suis en train de... J'ai quasiment fini Mass Effect 2, il était temps, je commence à être tanné. Puis après ça, j'embarque dans Kingdom Hearts 1.5 sur PlayStation 3. Alors, le remix qu'ils ont fait dernièrement sur PlayStation, alors j'ai très très hâte de pouvoir y jouer. Alors, 1.5, tu veux dire, donc ça c'est le remake de qui ont mis le 1, 2, 3, ben je me trompe. C'est le remake qui fait le premier et qui ont rajouté Chain of Memories, qui était un jeu Game Boy Advance, qui ont fait une version PlayStation 2. Là, ils ont fait la version PlayStation 2 en PlayStation 3. Et ils ont rajouté également les cinématiques de 358 jours. Ça a l'air que le jeu était... L'histoire a l'air très intéressante, mais j'ai pas joué. Alors, c'est pas cela. Cool. Alors, là-dessus, on va aller faire un petit tour rapidement pour voir ce que le monde nous jase rapidement sur YouTube. Oubliez pas, hein, vous avez en ce moment, pour ceux qui nous écoutent live, vous avez moins de 9 minutes pour avoir une copie de Binding of Isaac. Vous devez dire « Je veux Binding of Isaac » dans le chat. Alors, sinon, qui nous jase présentement? Alors, on a... excusez-moi. Rad qui dit qu'il s'inquiète surtout pour la santé mentale de Retro Gamer PQ. Et il y a Kevin qui dit qu'il s'inquiète plutôt de la santé mentale de Beta à force de recevoir des SMS à gueule. Celui est en vie, qu'est-ce santé mentale de rétro? Ouais, parce qu'il faudrait qu'il soit là pour commencer. Bon point. C'est un fait. En passant, envoie-moi pas un SMS de même, hein, je t'avertis d'avance. Là. S'il te plaît, ça fait mal. Surtout que c'est mon SMS. Ben oui, d'ailleurs, je vais te l'ordonner là, que l'épisode est sorti, puis ça va bien. Il n'y a pas de problème. On pourra tout t'ordonner ça. Ben, je sais que ma console est faite plus forte, alors elle est capable d'endurer des SMS sans problème. Yes, c'est yes. C'est pas comme ma Xbox. Non, de toute façon, c'est la magie du cinéma. Là. On a twisté ça pour que ça ait l'air violent, mais il n'y a aucun dégât qui a été fait à aucun matériel. Non, je pense que la blonde de Beta est contente que tu l'aies remis en bon état. Ah, je n'ai pas dit que Beta n'avait pas été endommagée. Là. J'ai dit que ta console n'avait pas été endommagée. Ah, d'accord. Ah, merci. C'est pas la même chose. La console est plus importante que Beta, dans le fond. C'est ça que tu dis? Là, quand même. Là, oui. On parle quand même d'une Master System en boîte. Oui. Névrose dit qu'il aimerait ça voir la pomme verte de rétro. Et le silence fut, alors il n'y a pas de pomme verte derrière le slime. Oh, reviens! Oh non, il est petit! Oh, il est petit. Alors, sinon, à part ça, Philippe Saint-Jean qui dit qu'il est content parce qu'il vient de recevoir en cadeau la saison 2 de Cités d'Or. En l'heure de son 30e anniversaire, alors bonne fête Philippe! Bonne fête! Bonne fête! Alors, ça a l'air que la pomme verte est là? Elle est en train de s'accoupler avec le slime en plus. Ça va faire des drôles de fruits, ça! Ouais! Je l'ai trouvé! Et là! Oh, des bisous! Attends là, il faudrait que je rajoute une petite ambiance, hein! Ok, là c'est trop explicite, merci! C'est vous autres qui t'es demandé pervers! En partant, la slime pis la pomme, ça va faire de la gélatine, fait que c'est à Boris. Ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que tu vas aller là, pour tout ce que j'ai trouvé. Névrose dit bravo Alpha, le seul du panneau qui a joué à GTA V. On sait juste que ça me tente pas de jouer. Pareil pour moi. C'est pas mon type de jeu, désolé. Pareil aussi pour Retro, selon tes dires de la semaine passée. Ouais, selon sa dernière vidéo aussi qui les sceptiques seront confondus. Non, je sais que ça peut être un très très bon jeu, sauf que j'en ai tellement encore à jouer. Comme tu m'as dit... Oh non, ça c'est un fait. Un moment donné, on n'a pas des journées de 35 heures. Et non. Fun, par exemple. C'est meilleur que GTA 5. Ouais, le Mighty Number 9, c'est meilleur que GTA 5, c'est ça? C'est ce que tu viens de dire, Atlani? Hein? As-tu dit que Mighty No. 9 était meilleur que GTA 5? GTA 5? Mais quand tu veux que je cherche s'il est meilleur, j'ai jamais joué, il est jamais sorti encore. Ok, fait là tu viens de nous révéler ta limite de tes pouvoirs. Je suis déçu. Alors, mon rêve d'enfant est brisé à jamais! Oh, c'est pas grave. There. Ok, d'abord. Antithèse et mon bêta. Non, c'est une joke. Ça nous a joué des tours. C'est rendu un inside, hein? Non, mais c'est un état qui était plus loin qu'on pouvait nous-mêmes le penser. Oui. On va que je t'utilise une fois au moins dans une vidéo, là. Anytime, buddy, anytime. Je vais demander des conseils à Alpha pour savoir comment bien te maltraiter. Bon. Sinon, il y a Lloyd qui dit appeler le fly pour tuer ce slime. Ben non, il est cool le slime. Ah, il est cool. Il est super cute, monsieur slime. Il a juste l'air ahuri, c'est tout. Effectivement. Il a une belle boucle dans le cou, donc il s'est mis chic pour le quatrième des accros. On a parti des nouvelles? On peut pas ça. Go Godarak. Des nouvelles, moi j'aime ça. Ok, on va commencer avec Valve qui a annoncé le SteamOS. Explique-nous ça. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, SteamOS est un dérivé de Linux qui permet de pouvoir finalement utiliser un ordinateur qui est relativement poche pour le brancher dans ton salon et pouvoir jouer à toute ta librairie de jeux que tu as sur Steam, sur ta télévision. Oh. Fait que normalement, c'est à peu près 200 jeux que tu as sur ton ordinateur normal. ben tu as juste besoin d'un ordinateur qui a une prise HDMI pour pouvoir le mettre directement dans ta télé. Et tu peux jouer à tous tes jeux dans ta librairie Steam. Mais tu peux également aller sur Internet. Tu peux également acheter des applications pour ta télé. Donc, c'est comme une sorte de... Comment je pourrais dire? C'est comme une mini-console qu'on brancherait sur notre ordinateur, mais sur notre télé, mais finalement, c'est un ordinateur. Est-ce que moi, c'est une utilité que je vais faire? Non, je pense pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un de console quand je joue à ma télé, puis quand je suis sur mon ordinateur, je joue vraiment à mon ordinateur. Mais ça peut être intéressant pour certains types de personnes qui veulent véritablement un PC de gaming pour son ordinateur. Je crois que ça peut valoir la peine. Oui, mais admettons aussi pour les personnes qui ont des TV flat screen à peu près, disons, 32 pouces, 40 pouces et plus. Mm-hmm. Ça aussi, comme tu dis, ils ont comme beaucoup de jeux achetés sur Steam. Ça serait intéressant pour eux, je pense. Mm-hmm. Ben moi, regarde, j'en ai une bonne vingtaine sur mon ordinateur. Puis je t'avouerais que moi, j'aimerais bien ça... pouvoir jouer sur l'ordi de la télé, ça peut être le fun, mais je t'avoue que moi, je joue sur mon ordinateur, puis j'ai quand même un écran de 19 pouces qui fait un job. C'est pas ça, 19 pouces, c'est pas... c'est ce que tu dis. 19 pouces. Bref... Ah, 19 pouces! Oui, ok. Ouais... Alors, je me demande si c'est encore une bonne idée de garder le slime tout le long. Ben oui, on l'a fait. Alors, sinon, à part ça, autre nouvelle. GTA 5, on va en parler, qui a vendu 1 milliard de jeux. Non, pas 1 milliard non, de jeux, excusez-moi. Excusez-moi. C'est beaucoup, là. Wow. C'est 1 milliard de ventes. 1 milliard de ventes, oui. Non, sérieux, je pense quand même beaucoup. Je me suis vraiment trompé, je suis désolé, c'est mon erreur à moi. Mais après avoir battu le 500 millions de dollars en 24 heures... Wow! Oui, je pense ils ont-tu fait 800 millions la première journée, puis genre le 200 millions la deuxième journée? Un peu moins de 800 millions, mais pas loin. OK. Mm. Fait 1 milliard de dollars en trois. C'est insane. Surtout qu'ils ont payé quoi? Je pense qu'ils étaient 250. Ça a coûté 250 millions de faire. 270 millions pour produire le jeu. Le marketing inclus, là. Ouais. 270 millions. Ils sont rentrés à Mazar Argent. C'est un succès sur toute la ligne. Mais tes critiques sont toutes bonnes en plus, là. Il n'y a pas un mauvais critique. Ben oui, c'est un excellent jeu, là. Fait que. Ça a un bug chiant. Mais tellement chiant. Mais au moins, Rockstar, il faut leur donner ça. Il remédie rapidement la situation. Il fait défaut de belles autres compagnies de jeu. Le bug est le suivant. Je ne sais pas si, testeur, tu l'as vécu. C'est si tu customises tes voitures et tu les mets dans ton garage, ils peuvent disparaître, slash, leurs données peuvent s'effacer à jamais. Ce qui veut dire que si, mettons, tu mets... Mais pour un 750 millions de dollars, comme un peu comme Angry Joe et d'autres et plusieurs autres gamers ont fait pour leur voiture customisée et storée dans leur garage, ben c'est perdu à jamais. Fait que tous tes efforts sont néants. C'est dommage, mais juste moi ça m'est pas... Oui. Juste un instant, juste pour vous dire que le premier 15 minutes est passé, je vais procéder au tirage. Alors vous pouvez continuer à jaser, je procède présentement au tirage. T'allais dire, ta soeur? Je disais que moi quand je pimpais mes chars, je les utilisais tout de suite après, puis j'allais faire le fou dans les montagnes puis dans les rues avec. Fait que ça ne durait pas longtemps que finalement mon char il était scrap après deux coins de rue puis il explosait. Fait que je n'ai pas pu tester ça. Cet aspect-là, mais non. Fait que, oui, ce que tu dis, ça se peut, puis ça doit quand même faire chier, mais ça m'est pas arrivé. Et pendant que Ben prépare son l'annonce du gagnant, il y a aussi PETA. PETA, mesdames et messieurs. Ah non, pas eux. T'es sûr que c'est PETA? Moi, je pense que c'est IDEA. C'est IDEA, In Defense of Animals. À moins que PETA ait réagi aussi. PETA a réagi. Tout le temps des coches. Ah, ok. Bon, mais écoute, ça m'étonnait pas, là. Mais oui, excuse-moi. Je te laisse aller. C'est n'importe quoi, là, que PETA réagit sur, comme dirait au Alpha Omega Sin sur YouTube. Exact. C'est des mots virtuels. Exact. PETA, là, c'est une, c'est une organisation opportuniste. Ils ont peut-être une cause honorable, là, mais la façon de faire est totalement atroce. Là. La seule raison pour laquelle ils s'attaquent à GTA, c'est que c'est le gros buzz de l'heure. Là. Fait qu'en s'attaquant à GTA V, tu peux être sûr que le monde va parler de la PETA, puis là, ça leur fait de la pub, puis ils sont bien contents, mais c'est des énergies tellement mal gaspillées. Là. Ils pourraient utiliser cet argent-là, là. Pour leur cause ben oui. À eux autres de base. Pour aller sauver des vrais animaux dans la vraie vie là, qui se font maltraiter ou whatsoever. Non, à la place, on va sauver des animaux virtuels. Là, on regarde, se souvient encore de Tanuka, tu vas pouvoir nous parler surtout de l'achat du Tanuka suit. Ok, oui. Qui était vraiment stupide. Franchement, profiter de la popularité de Mario Bros. 3, je pense qu'il avait ressorti à l'époque là, mais le pyjama de Tanuka. Là, ils disaient « Oh, vous massacrez des tanoukis quand on se dit pyjama de Mario. » C'est n'importe quoi. Au pire, attaquez-vous à Dotcom, ouais. Je sais pas, là, pas un tanouki. C'est ça, c'est vrai, c'est un tanouki qui meurt. C'est une bande de connards. C'est un plombier dans un pyjama brun. Ça n'a pas rapport. Avec une deuxième queue. Ouais. Oh. Hey, avez-vous vu ça? J'ai vu un espèce d'article qui démentissait le mythe que Mario est un plombier. Mario ne serait pas un plombier, ça serait un jardinier, en fait. Non, c'était un charpentier! Parce que quand on y pense, jardinier, là, ça fait du sens, là. Il pointe des champignons, il prend des fleurs, les tuyaux. C'est ça, exact. Les tuyaux avec les fleurs qui sortent, c'est des bacs à fleurs, comme Tanuka dit. Tant qu'à y être, il va tout s'explique. C'est ça qui fait que ça devient encore plus. Eh oui, exactement. Ouais. Mario serait un jardinier, les amis. Ouais. C'est vraiment absurde, mais ça marche pas. J'ai une autre gagnant. Excuse-moi, je vais te couper un instant. J'ai une autre gagnant. Lloyd Wolfwood, tu viens de gagner The Binding of Isaac avec le DLC. Je vais t'écrire un peu plus tard dans la soirée, après le podcast, pour t'envoyer ton code. Yeah, bravo! Félicitations! Je suis la fine de joie! Deuxième jeu qu'on fait tirer ce soir, ça fait partie de Steam également. Donnez-moi un petit instant, je vais aller chercher la bibliothèque, parce que je les ai achetés auparavant. Alors... Le deuxième jeu, c'est MechPixel. C'est le jeu MechPixel que je fais parvenir dans les 15 prochaines minutes. Alors, si vous désirez avoir le jeu MechPixel, vous devez m'envoyer dans le chat, vous devez écrire « Je veux MechPixel ». Vous avez 15 minutes à partir de maintenant. C'est bon, ça, des MechPixel. T'en as au McDo. Ah oui? Ah non, je me trompe, c'est des McNuggets. Je pense que je t'ai coupé, Tanuka, alors tu peux continuer. Ah oui, ben, je parlais que la profession de Mario depuis le Donkey Kong 1, il était... qu'est-ce qu'il était déjà dans Donkey Kong 1? C'était un charpentier! Un charpentier, c'est ça. Après, dans Mario Bros 1, le vrai Mario, premier, c'était un plombier, peut-être, qui plein de tuyaux, ben c'était un gars des égouts, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans les égouts, mais... Non, mais c'est ça, dans le 1, dès le 1, ça serait un jardinier, il y a des... Non, mais ils disent clairement que c'est un charpentier dans Donkey Kong, là. C'est parce que là, testeur, il a comme fumé un bat, là. Fait que là, il dit n'importe quoi. Bon, hey, la slime, là, viens dans non, ici. Là, je te rappelle que t'as un de vie, hein. Une petite claque par-ci, par-là, puis t'es faite, là. Hey, j'ai 15 HP. Mon Dieu. T'es mieux d'avoir une broadsword. Écoute, j'ai pas de broadsword, mais j'ai un hostie de bon coup de poing, là. Donc, je me pratique avec Beta, là. Fait que amène-toi. Ouais, ok, j'arrive. Vous allez voir le combo au mois de novembre. Oui, c'est ça. Autre nouvelle? Alors, notre chère compagnie, êtes-vous prêt pour un bâchage? On bâche. Il faudrait avoir un thème. Qu'est-ce qu'on sur bâche? La bâchage de Xbox One. Ah, ah oui, ah, ça, on peut pas jouer à vertical. Oui, c'est ça. On peut pas avoir la console verticalement. C'est impossible. Mais c'est donc bien ridicule. Mais c'est parce que la natie des pas costus comme ça. On est prêts de le dire, je te le dis. Et je l'aime, les drôles. Oh, c'est pas trop bon. Hey boy. En passant, testeur. Oui. Si tu veux en battre contre la slim, parce que je pense qu'elle est plus puissante qu'elle l'est vraiment, ben je vais peut-être te fournir. Que ça dans les mains, hein? Ouais, que ça. Ah, t'as un sang. Ouais. Oh. Non, anyway. Je suis pas n'importe quel slime, j'ai une étiquette sur le côté. Oh fuck! Anyway. Tu veux la couper avec un ciseau si tu veux, tu sais. Anyway, Alpha nous a très bien montré dans sa dernière vidéo qu'il a le pouvoir morph. Fait que. Il est plus fort que tu peux penser. Mais on s'en fout d'Alpha. Il va te transformer en bébite bizarre. Sa tête bizarre. Mais il est déjà une bébite bizarre. Ouais, mais. Il peut te transformer en bêta si tu veux. Ah, tu parles de la cassette, là? Non, bêta. Joueur bêta. Ah, ok. Alors. Il est prochaine... en passant, Flame. Alors, juste pour vous dire rapidement que la Xbox One n'est pas. On ne pourra pas la jouer là, verticalement. Mais c'est à vos risques et périls. Alors, anyway, qui va en acheter une? Bêta? Bêta, peut-être. Les clients, peut-être? Je vais quand même acheter 3 PS4 avant d'acheter une Xbox One. 3 PS4? Ben oui. Donc, moi, la PS4 est rétro-compatible de PS1 à PS3, sauf que... Non, faut que tu passes par Gaikai. C'est à peu près ça, ouais. C'est tu peux pas jouer des jeux de PS3 ou PS2. Pas right away, faut que tu downloads l'émulateur, une affaire de même, effectivement. Non, c'est comme une sorte d'application que tu passes via un magasin. Ouais, hein. C'est pas... C'est pas le top. J'ai posé la question, on n'a pas voulu me répondre. Non, le mec qui jasait des entrevues que j'ai écoutées, puis la plupart ils disaient tout, faut que tu passes par Gaikai. Fait que non, c'est pas... C'est quand même mieux que rien, mais en même temps, c'est pas... Ouais. Autre nouvelle? Allons. J'en ai une. Ah, vas-y, je te laisse y aller. Écoutez, j'ai en préparant pour une vidéo pour décembre, oui, je suis fou comme ça, j'ai découvert qu'il va y avoir un nouveau jeu, Strider, qui va sortir sur PlayStation 3, PlayStation 4, Microsoft, et Xbox One. Mais quand même, mesdames et messieurs, Strider! Strider! Tum, tum, tum. Alors oui, c'est ça plus de Strider, ça va dans le fond. Le 1 et le 2, Remix, tu veux dire. Remaster. Oui, non, Retold. J'ai même lu que c'était Retold, en fait. Oui, t'as raison de dire que c'est remasterisé parce qu'il est en 3D. Mm-hmm. Même s'il promet que le côté conception sonore, musique de fond, ça va avoir beaucoup des tendances de musique qu'on a connues quand on jouait sur la SNES et aux arcades. SNES aux arcades. Ou aux arcades, parce que à l'origine, Strider, c'était un jeu d'arcade. On continue. Excuse, merci, Bibi. T'as baillé, j'ai perdu mon nez. Oh, c'est chiant. C'est un des pouvoirs de la slime. En passant, non, c'est pas une émission pour enfants, c'est bien un slime qui est avec nous ce soir. Il y a des gens qui se pensent qu'on est dans une émission pour enfants. Ah. Oh. Mais non, une slime peut te tuer. Ah. Ça demande une bonne question, mais débattable de la part de Nevo. Oui. Personne veut une X-Mone pour Killer Instinct. Mais bon, on s'entend que... Non, le principe que j'ai pas aimé de Karen Sting, c'est que... du nouveau Karen Sting, c'est que c'est free-to-play. Tu commences avec un bonhomme, il faut t'acheter chaque bonhomme. Mais tu sais, okay. Tant qu'à ça, regarde, je veux acheter le jeu, je veux l'avoir complet, ça me dérange pas de payer 60$. Mais donne-moi tout, point. Ben oui, voyons donc, là, c'est quoi cette arnaque de merde? Là, t'es-tu en train de dire que tu vas t'acheter une Xbox One, Ben? Jamais. Il est fou parce que là, j'aurais fallu que j'appelle mes Metal Slime pour te tuer. Oh, les Metal Slime! Non, je vais appeler Beta pour s'en charger, il n'y aura pas de problème. Ah. Beta va être le bouclier. Mais non, Beta, il n'est pas capable de tuer une mouche. La mouche, je vais la tuer bien avant. Alpha, je lance le défi à Beta de tuer une mouche dans la prochaine vidéo. Ouais! D'accord. On verra ça. Ça n'est pas la grosseur de la mouche. Ça peut être une mouche géante aussi. Ouais, mais il va courir après avec une bouteille de Raid. autre nouvelle? Ouais. Ben, ouais. T'en as-tu une? Oui, ben, je pense que oui. Je pense c'est assez controversé, mais... non, pas tant que ça, mais je voulais souligner la mort de M. Yamauchi. Oui, c'était dans mes nouvelles. Ouais, mais je dis que c'est controversé parce que certains disent que oui, c'était Mother Brain, comme on l'appelait, puis que c'était un tortionnaire envers ses employés. Mais moi, ouais, je le considère comme le Steve Jobs de Nintendo. Que... Mm-hmm. C'est ça, c'est les avis divergent là-dessus. Mais c'est grâce à lui qu'il faut quand même donner à César ce qui revient à César. C'est quand même grâce à lui que Nintendo a fait le virage jeu vidéo, puis qu'il est devenu exactement ce que Nintendo est, là. C'est ça. Oui, il y a eu plusieurs échecs avec lui aussi, quand on pense à la Virtual Boy, ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste pas lui qui a inventé Mario, certes, mais. Non. Il a quand même mis Nintendo dans le jeu vidéo. C'est un contributeur majeur. C'est ça, là. Et grâce à lui, il faut dire une chose, Miyamoto ne serait pas présent à cause de lui. Gunpei ne serait pas là à cause de lui. Des grands noms Nintendo n'auraient pas été là. S'il n'aurait pas fait ce move-là. Puis on ne sait même pas ce que ça aurait donné. Là. Qu'est-ce que ça aurait donné si Nintendo n'aurait pas été là? Ben, je ne peux pas imaginer là, si ça aurait été tellement différent. Atari aurait dominé, en fait. Atari, dominé. Atari, dominé. Atari, dominé. Atari, dominé. Atari, dominé. Atari, dominé. Atari a craché en 83 puis il était pas capable de revenir. Si c'était pas Nintendo, ça, là. Peut-être, je sais pas. Si c'était pas Nintendo, là, Atari aurait fait du jeu vidéo, il y a joué pour enfants pour le reste de leur jour. Puis t'aurais aimé ça, Slime, à vous. C'est tout ce que j'ai dit. Slime, t'aurais même pas existé, t'aurais même pas sorti sur une Atari. Oh. Oh. C'est pas fun. Attends, un peu, j'ai pas parlé sur le MSX en premier, moi. Hein? Hein? Avec cette console? Connard. Je t'aime pareil. Ben, pas moi. J'en ai même pas. Comment veux-tu que j'ai une MSX? Ça a même pas sorti ça. Ouais, mais à Montréal, je sais pas ce que vous faites, là, mais en tout cas. À la Bomb Beach, qu'est-ce que c'est que à la Bomb Beach? Hein? Il y a une slime avec un beau taille. Ah, un beau taille, hein? Puis qui parle en plus. Mm-hmm. Malheureusement, elle dit rien d'intéressant. Ouais. C'est parce que. Écoute, la flamme, t'as le choix. Soit que t'es une slime, soit que t'es un beau taille. Pas être les deux. Je suis une slime avec un beau taille. Autre nouvelle? La capture HDMI va être possible sur PlayStation 4. Mais pas quand tu vas l'acheter. Ma vie a changé. Quoi, alors, qui doit avoir acheté à part une coupe de centaines de dollars ou quoi là? Ben c'est que tu sais comme nous autres les critiques qui doivent sortir des images sur leur PC pour pouvoir faire des critiques. Ben oui. Ou ben ceux qui font du gameplay à tour de bras. Normalement ce qu'on fait c'est qu'on achète une boîte qui permet de pouvoir enregistrer les images via notre ordinateur. Donc normalement c'est une carte de capture et la PlayStation 4 ne permettait pas avant. Parce qu'ils bloquaient tout ce qui était capture card. Et vu que le monde a chialé, et PlayStation ont décidé de faire « Ok, on va vous le permettre, mais pas quand vous allez acheter la console tout de suite, il va falloir que vous attendiez une update. » Fait qu'ils se sont retournés un petit peu sur leurs 10 sous, mais... Ouais, mais en même temps, ils se protègent un peu parce qu'à ce moment-là, ils évitent d'inciter aux hackers de... Le terme le dit, hacker leur console puis de faire vraiment des ravages. Parce que si hacker, ça peut être gêné par après. C'est encore drôle. C'est un paquet de conneries. Ouais. Fait que. Je garde le sourire quand même. Et fais-moi donc une face méchante. Je peux pas. Je suis bloqué. Ok. ignorer la slime, je pense qu'on est rendu à ce point-là. C'est cool, la slime. Ouais, mais on l'ignore pareil. Je pense qu'à un moment donné, on va partir tout seul. excusez-moi. Elle veut de l'attention comme un enfant. enfants de 4 ans. C'est cool, les enfants de 4 ans. Vous savez qu'il y a une version DuckTales Remaster qui va être en boîte? Yes! Oui! Ah, cool! Vraiment! Alors, le jeu qui est un remake de la version NES va finalement sortir en version Wii U 360 et PlayStation 3. C'est le 12 novembre. Wow! Alors, la mode Nexium, cependant, de, je pense, 30 ou 40 $ Ça doit, je pense, c'est 30 $ Moi, je trouve ça correct. Vous êtes carrément dans le chat. C'est combien, Stein? Et pour ça, j'ai 4 $ Vous allez avoir 40$ Ben, moi, je trouve que ça vaut la peine. Là, pour 20$, là, on peut avoir une version boîte que tu sais que... Ben oui. Dans un sens, j'ai plus de PlayStation 3, mon account s'est passé que whatever, ben, je l'ai pareil, tu sais. Et voilà. Mm-hmm. Ça fait beau dans une collection. Oui, mm-hmm. Hein? Avec toi, Slime. Viens t'en dans ma collection. Ça sonne pédophile un peu. J'avoue que ça... Ouais, ben dessus, pas ta meilleure. Non, mais tu sais, de toute façon, il n'y a pas un âge, celui-là, là. Ah, c'est pas propre. Collection privée. Désophilie, au pire. La monstrophilie. La monstrophilie. Oh my! Ben, c'est pas un animal, c'est un blob, tu sais, je sais pas comment on appelle ça. C'est un blob. Un poupée gonflable est considéré comme un monstre. Un chumufili. Quelle émission qu'on vous donne à soir, les accros, hein? Je pense que c'est les 4 ans des accros, hein? 4 ans. By the by, il reste combien de temps avant la tombée du projet? Il reste 1 minute. 1 minute 20. Oh, tabarnouche. Faites ça vite si vous voulez avoir une copie de MechPixel. Non, bien. Alors, faites service si jamais vous voulez avoir une copie de MechPixel. Alors, c'est ça, c'est le 12 novembre que ça sort aux États-Unis, probablement en même temps ici au Canada. Et moi, je me prends une copie PlayStation 3 pour que Marie puisse découvrir ce jeu-là parce qu'elle l'a jamais joué. Et c'est tellement un bon jeu de plateforme. Excellent, écoute. Autre nouvelle, pour les fans de MMORPG. Ceux qui jouaient à Warhammer Online ont appris une très bonne nouvelle avec comme message joyeux anniversaire Warhammer Online pour les 5 ans, je vous offre 3 mois à vivre. Hein? Ouais. Okay. C'est le message qu'ils ont eu quand ils sont arrivés sur le site internet. 3 mois à vivre. Ouais, 3 mois à vivre. Ils vont fermer le MMORPG Warhammer Online, donc ça va être coupé le 18 décembre prochainement. Et ça fait combien de temps qu'il roule, ce MMORPG? Quand même 3 années, ans, je pense. Hein? 3 ou 5 ans, oui. Mm-hmm. Les raisons pourquoi ça... Hein? Ça s'appelle une cession de licence. De plus jeune, ça? Ça fait pas. Alors, les 15 minutes sont passées, je vais procéder maintenant au tirage. Un gagnant! Oui, on va avoir un gagnant, alors je vais... Vous avez des nouvelles pendant ce temps-là, que je puisse continuer? Moi, je vais entendre des nouvelles de Tester Alpha! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, dis-moi des nouvelles. De quel côté t'as vu ta claque? J'ai pas de côté, mais... Ah, il est rond! Non. Écoute, j'ai rien à te dire, bonhomme. Hot Stice! Oui! Oui? Ben, je veux des nouvelles. C'est Yoshi bleu! C'est Yoshi bleu! C'est Yoshi bleu! Yoshi, il est de la même couleur que moi! Ben là, s'il voulait des nouvelles, il faudrait pas trop parler. Des nouvelles! Yoshi! Écoutez, apparemment, parlant de nouveaux jeux, il va y avoir un Yoshi New Island qui va sortir oui! En 2014. Oui, oui, oui! Yes! Je suis contente. Je peux checker bien vite. Je sais plus si c'est la Wii U ou pour la 3DS ou pour les deux comme... C'est 3DS, me semble. Oui, je pense que c'est seulement. 3DS aussi. Ils sont trop cheap pour le faire aussi sur la Wii U. C'est un commentaire. Parce qu'ils savent que j'ai pas de 3DS. Commentaire. J'ai accès à une Wii U, mais... Me semble, c'est vrai, c'est comme commentaire, en tout cas. En passant, il y a un commentaire qui est intéressant ici de Philippe Saint-Jean qui dit, il se pose la question, est-ce que vous vous souvenez du premier podcast des accros que vous aviez fait? Oui! Oui. Non, j'ai une mémoire de poids de poids d'artichaut. Mais je me souviens pas de quoi on a parlé. Moi, je m'en souviens. Parce que j'étais pas là. Ça fait juste deux fois, c'est pas vrai. Confirmé, Yoshi New Island sur Nintendo 3DS. On change de sujet. Alors, j'ai un gagnant. Yoshi. OK. Pour MechPixel. Mec. Ouais. Peux-tu avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Digest 55. Tu viens de gagner. Félicitations. Alors, TJS, il va falloir que je te contacte via prochainement à la fin du show pour te dire comment obtenir ton jeu parce que là-dessus, c'est un cadeau Steam. Alors, si il va falloir que tu me rajoutes dans tes amis Steam. C'est, alors, le code, c'est si jamais tu veux me rajouter sur Steam, mon nick à moi, c'est Big Ben Mirandette. Big Ben. D'accord. Autre nouvelle? Nouvelle par rapport à Atlus qui a acheté, qui s'est fait acheter par Sega. Qui s'est acheté par Sega. Oui. Ça veut dire quoi ça en fait? Ça veut dire que Tails, il va être dans un jeu d'Atlus, puis il va avoir deux bits. Ça c'est sûr, mais à part. Alors, pour la coquette somme de 14 milliards de yens, donc 105 millions d'euros, Sega a donc rajouté le catalogue de l'éditeur qui comprend Shin Megami Tensei, Persona ou Adrian Odyssey. Mais ça, c'est plat, parce qu'Adrian Odyssey, pourtant, c'est un jeu qui pour, me semble, est devenu très populaire la dernière semaine, et ça depuis sa sortie. J'ai jamais joué. Je t'avoue, j'ai jamais joué. C'est un excellent RPG, mais Atlus sont venus pour faire d'excellents RPG originaux. Oui, effectivement. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, donnez-moi un instant. Et pour revenir, pendant que tu prends ton instant, pour revenir désolé, c'est parce que je viens de voir ma boss, genre, qui vient de sacrer sur Facebook, fait que je suis comme, oup là, j'ai de la job demain. Ta-da-da! Big Ben, as job, fatality. Autre jeu qu'on va faire tirer pour le prochain prochain. Wow! Je vais le faire tirer. Et ça part là. Vous avez 15 minutes pour m'écrire « Je veux DLC Quest » et je ferai le tirage parmi la gang. Bon, autre nouvelle? Oui. On a un fond intéressant. D'accord, oui, on a des images très très intéressantes pour ceux qui nous écoutent en audio. On voit deux slimes à côté d'un Totoro avec un Shroom sur la tête, je crois. Yoshi. Ah, Yoshi en Yoshi plus. Yoshi à l'envers sur ses oreilles. Alors, ouais, c'est. Des belles acrobaties. Effectivement. Alors, Electronic Arts a trouvé son nouveau PDG et c'est Andrew Schmuck. Hey! Non! Le nouveau PDG. Ah, ça aurait été cool! Mais ben. Alors, c'est Andrew Wilson, ancien vice-président d'EA Sports, qui est rendu à la tête de la compagnie. Est-ce que ça va faire un changement? Non. Non. Non. Ça va être encore une compagnie de merde. Ça va rester une gang de douchebag. De douchebag. Non, merde. Effectivement. Douchebag. Douchebag. Oui, effectivement. Alors, sinon, à part ça, une autre nouvelle, là. Monster Hunter 4 qui a fait des excellentes ventes au Japon, 1,875 millions en deux jours de Monster Hunter 4 sur 3DS. Oh my god. Quand c'était même, là. Vraiment populaire là, au Japon, ce jeu-là, là. Non, c'est des bons jeux, Monster Hunter, mais c'est juste que ça te prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton temps. Hmm. C'est un jeu de grinding où tu tues des monstres pendant 24 heures. C'est chiant. Mais j'ai essayé d'y jouer, j'ai comme pas vraiment trippé, mais je sais pas, il manque de quoi je trouve dans ce jeu-là. Ok, je vous avoue, j'ai rien que joué au démo du 3 sur la 3DS, puis j'ai comme fait. J'ai la misère avec les contrôles, il me semble que ça serait peut-être un petit peu plus fluide, ou bien les monstres quand ils te rentrent dedans, ils t'enlèvent quasiment la moitié de tes points de vie. Mais regarde, s'il y avait des slimes dans Monster Hunter, ça serait beaucoup plus fun. Bon, je viens de couper le son du slime. Ah ah ah ah ah, pas fin, pas fin. Ah non, ça marche plus. Je sais pas ce qui est revenu. Bon. Autre nouvelle. Là, là, on va pouvoir tout jaser. Ok. Nommez-moi la grosse vedette qu'ils ont ajoutée dans le film de World of Warcraft. Je sais pas. Ben Affleck. Justin Bieber. Jennifer Lawrence. Non. Colin Farrell va jouer dans World of Warcraft, le film. Sérieux? Ah, il est beau. Ah. Colin Farrell. Why not? Ouais. Wow, oui. Oui, exactement. Pourquoi pas? Tu mettrais toute ta slime par-dessus. Ok, trop de détails, monsieur slime. Merci. Si, boy. Bon. Fait que, ouais, Colin Farrell, qui vous pensez qu'il pourrait jouer? Quoi? Le méchant ou le héros? Et encore, il y en a encore l'une du monde là-dedans. C'est King pas vraiment Varian. De ce qu'il va faire King Varian, ouais, c'est à ça que je pensais. J'ai l'impression que ça que c'est King Varian moi aussi. Il y a la face du King du roi de Stormwind là, c'est. C'est vrai, hein? Il me semble qu'il met une coupe de cicatrices dans la face, là, ça y ressemble là. Je pense que t'as déjà une question à enlever son bras. Oui. Hein? Non, mon chat est fatigant. Ah. Désolé. Elle veut être vedette, elle aussi, c'est pour ça. Oui, oui. Elle veut faire partie du film de WoW. Parce que j'ai pas que de place ma caméra, c'est pour ça. Ah, d'accord. Fait que non, King Varian, ça pourrait être intéressant. Puis ils ont également annoncé qu'il y avait d'autres... Excusez-moi. Ils ont également annoncé qu'il y avait d'autres personnes qui se rajoutaient. Il y avait Anton Yelchin qui jouait... comment il s'appelle, Steve? Ah! Il joue dans Star Trek. Le russe. William Shatner. Non. Ah, il joue dans Star Trek, lui. Oui, mais c'est pas lui. Sinon, il jouait aussi dans... Il a fait... voyons, comment ça s'appelle? Avez-vous vu Terminator, le dernier film avec Christian Bale? Non. Yep. C'est le premier. C'est bon. Le c'est qu'il pète une coche, là, dans... Sur un technicien du film, un caméraman, je pense, ma femme de même, ou un technicien non, il a pété sa coche à sa mère pendant ce temps-là. Ah, ok. Ouais. Il a quasiment eu des accusations, mais ça, c'est... Oh oui, c'est vrai, t'as raison! My God, j'ai carrément oublié ça. Mm. Oh. Mais bon, juste pour vous dire que comme quoi que c'est ça, ça va être ces deux acteurs qui sont en ce moment auditionnés, il va en avoir d'autres, j'imagine. Mais je le vois aussi en King Varian pour Colin Farrell, je trouve que ça a la face. Je pense qu'on l'a retrouvé. C'est le retour du Big Ben. Oh, même pas. Et c'est un podcast live. Tout peut arriver. Non, regarde notre stage. Bon. Youhou! Yeah. Ok, gang. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que t'as dit? Ça a été désactivé. Salope. Il y a une erreur. J'ai compris. Okay. Je me suis réactivé. Là, ça dit, votre son a été désactivé parce qu'il y a trop de participants. Oui, ça me fait ça moi aussi quand je rentrais puis que t'avais déjà 4 dans le channel. C'est vraiment slime. Ça m'a fait la même chose quand je suis rentré tantôt. Ouais, je pense que c'est slime qui vient fucker mon chien. Ça, oui, hein, c'est ça, moi j'ai la slime large. Pour ça, j'ai amené Totoro pour qu'il puisse combattre slime. C'est une blague. Bon, on va. Ça vous tente-tu de rire, Blackberry? Ben, oui! Pourquoi pas? Ouais, Blackberry, ils sont dans la merde! C'est comme battre un cheval mort, mais vas-y! Ben, regarde! Tant qu'à ça, on va se laisser aller, hein! Ben, oui. Ben vous savez qu'il a été racheté lundi? Oui! Mmh. Ouais. Ah bon? Non! Il a été racheté par une compagnie de financement qui, finalement, eux autres, d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les actions, puis après ça, ils s'arrangent pour sortir le plus d'argent possible pour détruire la compagnie après. Et ce qu'ils ont fait avant de se faire vendre, ben, BlackBerry ont décidé d'acheter un jet. Pour quelle raison? Ouais, c'est quoi l'idée? Actuellement, je pense savoir c'est pourquoi, mais... Mais moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Parce que là, au Comic-Con de Montréal, là, ouais. Il y avait un stand de BlackBerry. Pourquoi il était là si c'était de la merde? Ils essayent de vendre leur marde. C'est juste ça. À dernière minute? Ben, ça va. Capitalisme. Ben ouais, mais ça... Il n'y a pas d'excuse, pas de raison. Je veux dire, what the fuck? Alors, ils ont acheté un jet de comic. Normalement, c'est pas mentionné, mais ça vaut entre 25 millions et 29 millions. Pour quelle raison? L'argent de poche. Ça, tu sais? C'est... Ouais, OK. On va tenter. Tu sais, c'est tellement une compagnie qui est tellement mal gérée, là. Ils sont tellement assis sur leur laurier le temps que... pendant que les Samsung et Apple ça, est en train de devenir de plus en plus gros. Puis là, quand ils se sont rendus compte, oh fuck, on est dans la merde, on achète un jet. Tu sais, c'est comme, non, on va pas faire un nouveau téléphone, on achète un fucking jet. Ouais, mais tu sais. Dans le fond, il a acheté un jet pour qu'il savait qu'il était pour vendre à ce groupe d'investisseurs-là, puis ils vont dire, ben, on va bonifier notre valeur, on a acheté un jet. Je pense que c'est le gouvernement Harper qui montre des mauvaises habitudes. Yeah! Comment ça se... Quand tout va mal, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'achètes des jets. Fouille-moi pourquoi. Ça... Je sais pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire des jets? Les jets? Ils vont prendre de la poussière. Effectivement. Fait que, non, c'est vraiment chiant. Des fois, c'est une compagnie qui est tellement mal gérée, là. En tout cas, j'espère que dans les histoires, ils vont faire « OK, vous voulez une bonne compagnie, prenez une Samsung. Vous voulez une mauvaise compagnie, gardez BlackBerry. » Parce que... Samsung, c'est le problème, ils sont en retard avec la technologie, quasiment. Après tout, c'est juste avec le Q10 qu'ils ont décidé, enfin, de faire une machine full tactile. Sauf qu'il était trop tard. Et voilà. Fait que trop tard pour eux, puis ils sont morts. Ils sont en train de mourir. Mais des gens me disaient que BlackBerry, avec leur nouveau BlackBerry, ils vont revivre. Ben non, ils sont en retard. Who's laughing now, hein? Oh, j'ai une mot! Ouh là là là là là là! Laughing now! S'il y avait un jeu de mots, ce n'était pas intentionnel. Là. Ah. Non, mais je te trouvais drôle avant, mais là, plus maintenant. Mais moi aussi, je t'aimais slime, mais là, je me pose des questions. On va aller voir sur le chat, voir qu'est-ce que le monde nous jase en ce moment. Les gens veulent dire c'est quoi. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est cool. Il y a quelqu'un qui veut un slime. Alors, Non, mieux que ça encore comme quote, Lloyd Wolfwood dit « Donnez du bacon à ce slime ». C'est vrai que le bacon règle tous les problèmes. Oui, parce que s'il n'y avait plus de bacon sur la planète, là, ben tout le monde serait malheureux. C'est vrai. And bacon strip. We'll have the bacon strip, dog. Jailbreak dit, il y a un hacker parmi nous. Oui, je sais, c'est toi, mon ami. Non, c'est une joke. Allez voir sa chaîne de Jetta Jailbreak. C'est un gars qui est vraiment cool. Il fait des vidéos de let's play qui sont vraiment intéressants. Ah ouais? Oui, c'est vraiment cool. Névrose dit, Colin Farrell, je le verrais plus comme un jeune James Renard dans StarCraft 2. Ouais, mais encore, tu sais, il est inscrit dans Warcraft, fait que, ouais, on le verrait, je le vois plus dans King Varian. Sinon, à part ça, Philippe Saint-Jean a dit que ça serait drôle d'une parodie de Henry Schmuck qui achète EA. Mais ça... Ouais. Tant qu'il me fait pas exploser une deuxième fois, c'est correct. Mm. Ouais, mais toi, Marie, tu reviens à la vie de toute façon. Ouais, moi je suis un phénix, je reviens à la vie tout le temps. T'es comme un zombie. Non, je suis un phénix, c'est plus hot. Ouais, c'est bien cool. Mm. On n'entend pas, les gars. Excuse-moi? Yoshi. Ah. Pardon. Vas-y, antithèse. Donc, j'ai dit bonjour, le petit chat qui se battait contre Yoshi. D'accord. Le chat de la tabernouche. Tu le vois? Il a la gueule en tabernouche. Alors, sinon, à part ça, je regarde rapidement. Jasmine qui nous dit bravo à toute l'équipe pour vos 4 ans. Merci. Merci. Merci. Final Game dit qu'il veut acheter un t-shirt à Alpha. Tu peux contacter Alpha en message privé sur le forum pour ton t-shirt. Alpha. Certainement. Non, mais j'ai ma boutique sur Internet. Ah oui. Si ça marche pas, ben viens me contacter, mais en principe, tout fonctionne là, tout est là. Alors, tu peux aller chercher ton message, ton t-shirt là-bas. Il est très beau, il est vraiment confortable. Moi, il me ferait-tu? Très bonne qualité. Il serait comme oreiller, je pense, par-dessus toi, Slime. Lloyd, qui dit que c'est pas facile d'être toujours à l'heure pour le podcast des accros, puisqu'il nous écoute en Tunisie. Wow! Cool! Wow, de du monde de loin! Merci, Lloyd, de nous écouter de Tunisie, c'est vraiment cool. TJS aussi nous souhaite félicitations pour nos 4 ans. Merci beaucoup. Sinon, à part ça, je regarde rapidement. Ah, ça fait plaisir pour la pub en passant, Jailbreak. Et dommage que Retro n'est pas présent pour le 4e des accros. Et non, de toute façon, là, Retro, il n'y avait jamais rien de bon à dire. Oh. Attends, je vais lui demander voir s'il t'emmerde. Oui, effectivement, il t'emmerde. Chien. on va poser la question, l'éternelle question depuis de tous les temps qu'on pose à chaque année. Es-tu d'autres sites qui ont fait autant que des accros? Non, jamais, non. Jamais. Non. De mon québécois, non, français, il y en a. C'est correct. Mais québécois, je te dirais que non, parce que souvent, ce qui arrive, c'est manque de motivation, manque de cohésion, manque mauvaise mésentente entre l'équipe. Fait que souvent, ouais. Ça peut breaker. Mais nous, je vais vous dire un petit secret, gars. Ouais, fini. Ah ouais? C'est nous, pourquoi? J'écoute. Nous, pourquoi que ça marche? C'est parce qu'on est des amis. Oh! Ouais! Oh! C'est cute, c'est cute! Le chat! Oh, je suis content. Slime, vous aussi, t'es notre ami. Ouf! Oh, ok, mon ami à moi, je sais pas pour les autres, mais mon ami à moi, ok? C'est ça. Parce que là, ton ami, il monte son cul, fait que c'est pas même intéressant. Le Kiyoshi! Alors, ça fait 15 minutes, je vais maintenant procéder au tirage de DLC Quest. Oh oui. Et je pense que DLC Quest a eu plus. C'est celui qui jusqu'à maintenant a eu le plus de je veux DLC Quest. Ouais, c'est vrai, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Alors, je vais aller regarder ça. En passant, Kevin nous dit bravo pour les 4 ans et il nous applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Je vais essayer de faire applaudir mon Totoro, mais c'est pas garanti, ok? Moi, j'applaudirais, mais quand j'applaudis, ça fait flush, flush, flush, flush, flush. Merci pour ce détail très pertinent, Slime. Ouais. Mais là, au moins, ça fait pas. Je vais demander à Marie, parce qu'on va embarquer dans le sujet 4 ans d'accro. Je veux avoir ton avis, vu que t'es la plus vieille parmi nous, incluant moi. Hey, Sur le site. Toi, tu m'as couché ce dimanche soir. Marie, vu que ça fait 4 ans que t'es avec accro, j'aimerais avoir tes impressions sur le site depuis 4 ans, depuis le début et 4 ans après. Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a de différent sur le site? Une belle grande évolution, je trouve. Vraiment. Une équipe de plus en plus solide. Ça, je suis vraiment contente là-dessus. Beaucoup plus de professionnalisme. On a beaucoup évolué de chacun de notre côté dans nos critiques vidéo, tant mieux. Une belle stabilité au niveau des fans. Des fans qui sont fidèles depuis le début, ça, je l'ai remarqué aussi. Des nouveaux fans, mais aussi des anciens fans qui restent. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Sinon, oui, on a perdu des gens en chemin, mais pour en gagner des meilleurs. Donc, cool. Comment tu t'aises? Antithèse, de ton côté, toi aussi, vu que t'es un de nous plus anciens. Un des pionniers, j'aimerais ça également que tu nous donnes ton avis. Sincèrement, je me considère pas moi comme étant un pionnier, parce que ça fait quand même, ça va faire 2 ans, dans 6 semaines, que je fais partie de accro des jeux. où c'est que j'ai fait le... Dans le temps qu'il y avait le sapeur-sacard. Alors, je t'en remercie de dire que je t'en pionnier, Ben, mais je suis obligé de dire que vraiment, les efforts reviennent plus à toi, à Marie-Lune, à Gigar, à CE, même sur certains points, à Dark Smile, avant d'arriver à dire que moi aussi, je suis un pionnier. Mais je considère que avec l'appui et l'apport de Retro Gamer PQ, de Testeur Alpha, même de Tanuka avec ses articles rocambolesques, et les nouvelles idées qui ont évolué depuis ce temps-là, juste un instant, depuis ce temps-là, pour l'accro des jeux, je pense que c'est notre évolution constante, l'apport de nouvelles idées qui fait que accro des jeux, non seulement c'est là pour rester, mais c'est ça aussi qui justifie pourquoi que accro a vécu 4 belles années. C'est beau. J'ai un gagnant. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Le gagnant est Michael Gélina, qui vient de gagner DLC Quest. Félicitations. Michael, rajoute-moi dans ton... envoie-moi un message privé pour me dire comment te contacter via Steam pour que je puisse t'envoyer ton code. Je vais avoir besoin de soit ton nom sur Steam ou moi je peux te donner le mien ou vous pouvez me rajouter si également si vous ne gagnez pas. Mon nick sur Steam, c'est Big Ben Mirandette. Alors... Encore bravo! Bravo! Bravo! Alors, prochain jeu, c'est un double pack. Je donne deux jeux. C'est Cthulhu Save the World et Breath of Dead 7. Ce sont deux RPG sur Steam. C'est bon, ça! C'est d'excellents jeux, RPG, indie. Alors, vous avez, à partir de 15 minutes, vous devez m'inscrire « Je veux le double pack ». Sur YouTube, vous avez 15 minutes pour me dire si vous le voulez. Ça part là. Bon, fait que je vais aller du côté à Alpha. Écoute, Alpha il est pas là. On a perdu Alpha. On va y être simple. Oui. De ton côté, qu'est-ce que tu penses d'Accro depuis 4 ans? Ben, écoute, je pense qu'Accro a beaucoup évolué. Puis, on est avec du monde super intéressant. Puis, on vous aime. On aime Big Ben, on aime Marie-Dune, Anstaz, puis même Tester des fois. Là. Puis, surtout Retro Gamer PQ. Oui, oui, parce qu'il me nourrit. Non, j'ai pas le choix. Il se fait vivre un petit peu. Ouais. Les articles de Tanuka sont superbes. Oh, merci. Il nourrit avec quoi, Slime? C'est vrai, il se nourrit avec Slime. C'est parce que c'est la pomme. Ouais. Ben. Je la tue, puis je la mange. Cannibalisme de pommes! Avec ce slip, c'est que t'en manges souvent? Tout le temps. C'est un drôle de système. S'il y a un panier avec des pommes vertes, puis ils sont toutes vivantes, puis je les mange toutes. Ah! Oh my. Bon. Tanuka, écoute, t'es notre bébé, il faut le dire, dans le sens d'accro. Ça fait récent que t'es sur le site. Mais t'en penses quoi du site depuis qu'on est. Depuis que t'es dans le site, ouais, t'en penses quoi? J'ai pas entendu parce que le slime faisait du bruit. Je voudrais savoir ton avis depuis que t'es rentré dans accro. Qu'est-ce que tu penses que accro va apporter dans ta carrière de rédactrice? Écoute, moi, je me dirigeais pas à la base vers une carrière de rédactrice, mais c'est un beau passe-temps, puis j'aime beaucoup écrire, je veux dire. C'est comme si ça me libérait de mes frustrations de gamer à temps partiel. Fait que, je suis contente d'être rentrée dans les accros. Puis c'est cool, ça. Alors, Alpha n'a pas l'air de retour encore. Alors, on va aller voir on va aller voir sur YouTube le monde jase sur... une bonne question que Dave Bissalion a posée. Oui. Qui a joué à Garry's Mod? Non, j'ai pas joué. Moi non plus. No. Dave, en passant, le premier jeu, c'est Call of Cthulhu, qui est un RPG. Tu peux aller voir sur Steam. C'est Cthulhu Save the World. Cthulhu Save the World. C'est Cthulhu Save the World. Saves the World. Oui. Sinon, on va aller voir rapidement. Vive H.P. Lovecraft! Oui, effectivement, c'est tiré d'un... C'est un mélange de RPG et du H.P. Lovecraft. Pour ceux qui connaissent pas ce gars-là, il a fait beaucoup de romans gothiques. C'est lui qui a fait notamment La Statue de Vampire? Non. Anne Rice. Ah! What the fuck? Oh, tu t'es planté, là! Là, oui! Là, oui! Tantôt, non, mais là, oui! Mastom dit que oui, il y a le groupe, les geeks qui sont parmi nous, ils sont super. Alors, non, on n'est pas tout seul. C'est cool, ça. Il n'y a pas juste les accros, donc c'est génial. Sinon, à part ça, je te jailbreak nous demande, parlez-moi un peu de ce que vous pensez à propos du modèle atomique de Thomson. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est très intéressant. Oui? Il parle du modèle Plum Pudding de Thomson. Écoute, ben moi je crois que dans le temps c'était un bon modèle, mais ça a évolué. Je vois pas pourquoi on parle de ça ici. Même pas c'est quoi. Mais oui, t'as vu ça en sciences physiques en secondaire 4, je suis sûr. Oui. Moi j'étais en 4-16, oui. J'étais pas en 4-36. Moi je suis jamais allé à l'école. C'est pour ça! Fait que t'as vu moins de stock en 4.36 qu'en 4.16. Non, j'ai été en 4.16, moi. Mais moi aussi? Hey, je suis pas bon en maths et en physique. Non, moi non plus, je suis pas bon. Ben, je t'arrête d'oublier. Ben, je suis en droit, fait que mettons que je suis vraiment pas dans le même domaine. Mais ouais, le droit, les molécules. Ah oui, écoute, c'est... Moi, là, savoir qu'une cellule se divise à cause de la loi telle, non. Ouais, la mitose. Non, c'est ça, CA n'est pas là ce soir. L'invitation a été lancée, mais il est juste pas là. Il y a du monde qui demande où est-ce qu'il est. Il est pas moi, là. Je suis là, même si je suis le bébé. Il est arrivé à CE. C'est Slime qui l'a attaqué, dans cette blague. Il est arrivé, ce qui est arrivé à CE. Le chien l'a mangé. Alpha, écoute, je veux avoir ton avis par rapport à Acro. T'es quand même un des plus populaires sur YouTube. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'avoir Accro des jeux avec toi? Moi, de première chose à dire, j'ai rejoint Accro pas pour un trip de popularité, non. C'est juste que les podcasts, je trouvais que c'était cool. Vous aviez l'air d'une belle gang, fait que j'ai décidé de rejoindre la gang. Puis je le regrette pas du tout. Je me fous de ce que ça m'apporte comme niveau popularité. Je fais ça parce que c'est vraiment cool. Les podcasts, on a du fun. Puis ça, je pourrais pas aller trouver ça nulle part ailleurs. Fait que vraiment, je trouve que ce qui est bon avec Accro, c'est les podcasts. C'est notre groupement qu'on est très amical. Fait que non, ça, je pense que ça se trouve pas ailleurs. On s'entraide énormément. Puis on s'échange beaucoup de conseils. C'est ça qui est le fun lorsqu'on fait des vidéos. On s'est beaucoup amélioré. Chacun de nous, là, allez voir nos premières vidéos puis regardez ce qu'on est en ce moment. Je vais pas voir mes premières vidéos, ça vaut pas la peine. Sérieux. Et vous allez voir vraiment l'amélioration de chacun de nous parce que souvent on s'est entraidé. Soit Rétro m'a donné un conseil sur mon éclairage. Antithèse peut m'aider sur le montage. Alpha va me dire un truc sur mon scénario. C'est vraiment le fun d'avoir l'aide puis de pouvoir s'entraider pour créer des meilleures vidéos, finalement. Mais parlant de ça, Ben, toi ou Marie, en fait, je vais plutôt dire, toi et Marie, vous voulez pas justement reviser, si vous voulez, une de vos anciennes critiques avec vos nouvelles connaissances? Moi, oui. Moi, j'ai certaines critiques que j'ai envie de faire avant ma 100e, parce que oui, j'approche de 100 critiques, et j'ai envie d'aller chercher plus... mes premiers jeux que j'ai faits, comme Lord of the Rings sur Super NES, que c'est un jeu merdique, mais que j'ai tellement couvert peu, que je me dis, là, cette fois-ci, je vais y aller d'aplomb, tant qu'à ça, je vais faire de la merde solide jusqu'à la fin. Je vais me sacrifier pour pas que Alpha joue. Parce que, oui, lui, il teste des jeux pour pas que vous ayez à le faire. Alors, moi, je vais le faire pour pas que Alpha le fait. Parce que là, je un peu mon concept, là. Je sais, je capte mon concept, mais si tu le joueras pas non plus, c'est tellement merdé comme jeu, là. Mais il y a des jeux comme Jackal, que j'ai pas touché loin, Dragon Ball sur NES, que j'ai pas touché aussi loin. Puis je veux vraiment aller plus en profondeur, aller chercher les petits points qui m'agacent. Puis pas faire des vidéos de 3 minutes comme j'ai fait avant. J'aimerais vraiment faire des bonnes vidéos de 7-10 minutes pour vraiment expliquer les jeux. Ça serait dans mes plans. Cool. On va aller voir. Y a-t-il d'autres questions qui sont faites en ce moment sur YouTube? Je dirais que maintenant, ça change un petit peu de Pokémon XY qui sortirait dans 2-3 semaines. Et c'est MoonWolf53 qui a parti ça et qui veut savoir qui c'est qui a hâte. Moi, Pokémon, je suis pas vraiment un gros fan, alors. Non. Moi non plus, ça me prend une éternité de jouer à un Pokémon. Fait que, la première. Tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les accros. Dans les premiers temps que vous jouez à Pokémon, je jouais sur le Game Boy ordinaire. Vous aviez quasiment tous les Pokémon, vous aviez tous les badges, vos Pokémon sont super levelés. Il y en avait juste 150, puis il y en a comme trop. Oui. Trop Pokémon, ça me... Oh. Et ma cousine arrive, « Hé, Benoît, je veux jouer aux Pokémon! » OK, save pas! Parce que je repasse, elle a sauvegardé sa fucking game, puis j'ai perdu mes Pokémon et ma game. L'horreur! Mais, ah, c'est clair! Je t'aime pareil, Marie, mais Colin, que tu m'as mis comme ah! Ouais. Ça veut dire. Mes sympathies. Merci. Ça a été très souffrant. Pour les prochaines fois, là, ce qu'ils veulent faire, qu'ils veulent commettre le crime de tuer des Pokémon innocents. Non, je tuerai pas des Pokémon. Devrose a une question pour moi qui dit « J'ai une question pour toi, Big Ben. Tu penses faire quoi d'ici le 5e anniversaire? Est-ce que tu as des idées pour agrandir la communauté? » J'ai des idées en tête. Je vous avoue qu'en ce moment, je dois jaser avec certaines personnes, mais j'ai quelques idées pour agrandir encore la communauté ou tout au moins nous faire plus connaître. Alors, fait que ça s'en vient prochainement. Je vais vous tenir au courant. Restez en ligne sur le podcast des accros. Lorsque je vais avoir la chance, je vous en parle. Sinon, à part ça... Jailbreak! Avez-vous déjà joué à Defender of Dinatron City? Ben... Non, pas encore. Non, j'ai jamais joué à ça. Quand j'aurai 1 million d'abonnés, je vais commencer mon vidéogame. Ah! C'est assez fair, ça, comme... C'est-tu fair? Oui, c'est... Ouais. En bas de ça, pas sûr que ça vaut la peine. C'est qui va te le programmer? Je sais pas. Laisse-toi avoir quelqu'un, un programmeur, puis c'est ça, là. Moi, je suis capable de faire des jeux. Mais j'en veux pas. On a une question de la part de Trinity qui nous demande qu'est-ce qui vous aide à vous tenir aussi longtemps la gang des accros? C'est que vous avez des goûts différents. Excusez, je pensais que c'était une question. Mais oui, on a des goûts différents. Chacun a des goûts différents. Autant qu'on peut aimer du rétro, autant qu'on peut aimer du nouveau, n'importe quoi. Je vous avoue, les accros, là, ce 4e anniversaire-là, c'est le plus fucké que j'ai vu cette année. Mais depuis 4 ans. Mais pourtant, vous n'avez rien vu. Non, j'ai rien vu encore. Il y en a encore plein. Watch out. C'est là que du jeu nouveau, il y a déjà beaucoup de critiques qui se font sur Internet. Mais attention, là. Attention, là. Hein? Parce que des jeux nouveaux, ça peut être des jeux avec un style rétro aussi. Effectivement. C'est vrai. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Comme Doctel Remastered. Oui, Video Game Nerd Adventures. Merci Slime d'être avec nous. Sérieusement, grâce à toi, on est comblés. Les jeux indie, là, ça torche des culs, ça torche des GTA V, n'importe quand. Oh! Mais c'est cute, Totoro, il est hot! Bon, il est plus hot que toi, la scène, Totoro. Ouais, au moins, Totoro, il torche. Mais quel jeu qu'on pourrait jouer? Je vous demande ça à gang. Quel jeu qu'on pourrait jouer en gang pour faire une vidéo? À 4, ouais. Ouais, faites-nous la proposition, puis on va regarder ça au mois de novembre. Ce qui serait cool, bon, là, je le dirais pas, mais... Mario Party 9. Semblable à l'autre. Non, c'est pareil, finalement. Quoi? Ah, c'est vrai. Je m'en fous d'abord. De toute façon, tu danses pas, t'as pas de jambes. Moi, je vais voir Antithèse danser. Ouh, J'aimerais juste avoir la vidéo que Marilyn a faite la semaine passée de partant du Comic Con et tu vas avoir cette œuvre d'art qui s'appelle une danse. Ouais, une danse en duo en plus. Wow! N'importe quoi. Oui, en effet. N'importe quoi. Ah, Kevin Doré dit qu'il y a une liqueur à la poutine que Monsieur Net ont montré il y a pas longtemps. Ah, c'est non, dommage, je goûte pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis game de goûter, mais my god, guess what the... On devrait goûter à ça, mais... Qui a inventé ça, sérieusement? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Oui, je veux savoir, Trouve-moi cette info-là, je vais en commander, puis on va l'essayer live. Je vais faire goûter ça à Dollar à bouffe. Ah, Dollar à bouffe, je donne une chance, il vient de manger des œufs du Dollar à bouffe. Oh, yeah. Cette vidéo est sortie tantôt, là, fait que... Jailbreak dit jouer à Just Dance 4 sur Wii tous ensemble. Mais hein, je suis tellement game. Ouais. Fait que... Je suis game de tout vous torcher. Ben, de toute façon, toi, tu t'envoies Wally Hansen. Ah, oh, ouais, c'est vrai. Hey, ça va être juste des gars qui dansent ensemble. Oh, non. Pour information, la liqueur à la poutine est offerte uniquement en promotion dans certains commerces, entre autres dans les restaurants frites à l'or. Oh! Non! Sauf qu'il y a au total 2400 bouteilles en circulation seulement. Oh my! Fait qu'il y en a pas beaucoup, là. C'est très limité. Une expédition pour le frites à l'or. Fait qu'on est chanceux, on a un frites à l'or à côté de nous autres. On va aller voir s'il y en a. Je vous tiens au courant la semaine prochaine, les accros. Excellent. Bye bye, Guillaume. Fait que peut-être qu'on va en avoir une s'ils l'ont pas vendue. Fait que, non, mais je veux l'essayer sérieusement, une liqueur à poutine. Comment que le gars a pu penser à faire ça? Écoute, comment qu'une femme a pu penser faire des chips au grill cheese ketchup? Il y a quelqu'un qui l'a aimé. Il a mis un like, il a mis un commentaire et dit « Moi, j'ai aimé ces chips-là. » Ben, c'est un troll, là, c'est tout. C'est correct. Moi, c'est le gars qui... Tous les goûts sont dans la nature, hein? Non, c'est le mari de la femme qui a trouvé l'idée, là. Il avait petit... Justement, c'était le gars qui avait écrit... C'est le gars qui a créé l'orignal à l'érable. Ah, oh, wesh. Qui vient de l'île aux morts, là. Ouais, c'est ça. Qui goûte l'érable tout court et non l'érable... Non, je trouvais que ça goûtait... Je trouvais qu'il y avait vraiment un goût de... Moi, j'ai déjà mangé de l'orignal, puis je trouvais que ça goûte... Le goût était proche, là. C'était pas vraiment... Ouais. C'est ça. Fait que... Non, il y a un monde qui commence à nous sortir des Star Wars Kinect. Non. Non. Non. Ragnarok Battle, Super Mario Bros. Wii, Super Smash Brawl à 4. Mais Super Smash Brawl, j'ai marre de tous les deux. C'est fait comme plusieurs fois. Fait. Ça faudrait peut-être attendre au prochain pour que Tester puisse jouer en tant que Mega Man. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais là, il va y avoir Tester et Retro qui vont se mettre à jouer Mega Man. Moi, je vais prendre Kirby, comme à l'habitude. Kirby ou Link. Link, je suis bon avec. Allô? Oui, on t'écoute. Ok, ok, je me demandais. Je me demandais. Je pensais. Je me demandais pourquoi. Là. Ah, ok, ok. Fait que non, c'est ça. On va regarder ça, la gang. On va sûrement vous faire une vidéo au mois de... On va regarder ça. Puis, Jailbreak dit sont bonnes les chips au grilled cheese. Donc, il est pas tout seul. Il y a du monde qui aime ça. Mais, tant mieux. Fait que non, c'est ça. On va, pour ce qui est des accros, pour l'année 2014, attendez-vous à des nouveautés. On va regarder prochainement pour rajouter... Il y a un événement que j'essaie de préparer, je peux pas vous en parler encore, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant encore dans l'équipe, fait que je vais probablement leur en parler. Et non, ça risque d'être un gros événement pour les accros. Je vous tiens au courant prochainement, je vous titille tranquillement, les accros. Je vous éveille. Je veux savoir c'est quoi! Non, pas mal. Mais là! Parle-en pas dans ce temps-là, Ben. Ouais, c'est ça, là! Je veux juste vous titiller. T'es tombé à gaffe! Oui, j'aime ça. Ah, ah oui, moi j'aime ça avec ta gasse. C'est comme tu nous montres un bout de ta tétine, mais tu montes pas tout. Non. Ça veut-tu dire que Slime veut voir les tétines à Ben? Non. Non, merci. Bah, mais dis-le pas d'abord. Non, mais c'est une comparaison, ouais. C'est... Owned. Ouais, owned. Je l'avoue, je suis owned. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. On vous garde prochainement. Sinon, si vous n'avez pas encore ajouté, si vous n'êtes pas encore abonné sur le forum des accros, allez-y. Il y a un concours. Slime, peux-tu nous parler du concours? On parle de quel concours? Les t-shirts. Ah! Rétro Gamer PQ fait tirer son t-shirt le 1er octobre durant le podcast. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le forum d'accrodesjeux.com et poster une fois au moins dans la topique du concours. Et vous pourrez gagner son magnifique t-shirt disponible en 3 couleurs. Oh, c'est pénible. En espérant que les gens aient compris quelque chose. On peut-tu avoir la version Rétro Gamer PQ, s'il vous plaît? Ouais, la version humaine. Ok. Bon, ok. Tu peux gagner. Bonjour! Là, vous voulez interrompre le pauvre garçon, là, franchement, donnez une chance. Tu peux gagner un t-shirt Rétro Gamer PQ seulement en participant sur le site forum accrodesjeux.com dans la section concours. Il y a un topic, concours Rétro Gamer PQ. Et tout ce que vous avez à faire, ben c'est poster dedans. Et vous avez jusqu'à 23h59, heure de l'Est, le 30 septembre. Ils nous feront tirer le 1er octobre durant le podcast un t-shirt de Retro Gamer PQ+. Au revoir. Au revoir. Téléphone. T'as bien timé en plus. Alors, le tirage va se procéder. On a présentement 5 personnes qui veulent avoir Strike Source Infinity. Je m'apprête maintenant à faire le tirage. Un roulement de tambour, s'il vous plaît. Trinity vient de gagner le jeu Strike Source Infinity. Yeah! Alors, Trinity, je vais te contacter parce que je te connais, alors tu vas recevoir des infos d'ici la fin de la soirée. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite procéder au tirage pour le gros kit, finalement, des Simpsons, avec tout le monde qui ont participé ce soir au chat. Et pour la personne, il va y avoir une personne qui va gagner également un prix pour ceux qui nous écoutent offline. Comment vous allez procéder? Vous allez écrire dans les commentaires sur la page d'accrodesjeux.com, un commentaire sous le topic du podcast et inscrivez, vous voulez le jeu Mark of the Ninja. Alors, juste dire, je veux Mark of the Ninja dans le commentaire la page accrodesjeux.com et je vais faire un tirage la semaine prochaine pendant le podcast. Vous avez une semaine à partir d'aujourd'hui pour vous inscrire au concours. Alors, je vais commencer avec Antithèse. Comment on peut te rejoindre sur les internets, s'il te plaît? On peut me rejoindre sur par email antythse@yahoo.com ou gmail.com. Je fais un retour de plus en plus officiel sur Twitter. Alors, vous pouvez me suivre avec mes commentaires et mon humour parfois cinglant, parfois doux sur antythse. Sinon, la meilleure façon de me rejoindre est sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. Inscrivez-vous, participez aux conversations avec d'autres joueurs lurons. Ça vaut la peine, c'est gagnant et c'est bon pour le moral. Taluka, comment on peut te rejoindre sur les internets? Moi, la façon la plus simple, c'est par Facebook et sur le forum des accros. Rétro, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre par l'entremise de mon channel YouTube, sur Facebook ou à partir du forum d'accrodesjeux.com. Tout ce qui manque à Rétro, c'est une coupe de vin maintenant. Marie-Lune, comment on peut te rejoindre sur Internet? Ah oh, oui, oui. Oui, on peut organiser ça. Marie-Lune? On peut me rejoindre de bien, bien des façons. Entre autres, vlog de Marie-Lune en un seul mot, @commercial@gmail.com. On peut me rejoindre via ma page Facebook. On peut me rejoindre via ma chaîne YouTube, qui est Création ML, qui a atteint 101 abonnés. Et, entre autres, mais la meilleure façon, c'est bien sûr sur le forum d'accrodesjeux.com. C'est la meilleure place au monde pour me rejoindre. Tester Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? La meilleure façon demeure sur le site des accros des jeux. Je fais mon tour quotidiennement sur le site. Sinon, c'est Tester Alpha que vous pouvez chercher soit dans Facebook, soit dans Twitter, soit dans YouTube. Vous allez me trouver. Sinon, il y a aussi mon site www.testeralpha.com. Et sinon, en dernier recours, vous pouvez vous essayer avec les signaux de fumée. OK. De pas mon... sûr que ça va marcher, mais bon. Bon. Surtout si vous êtes en France. Si on n'a plus d'électricité, écoute, c'est ce qui reste. Mm. Pour moi, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez me contacter via mon channel YouTube, Accro des Jeux. Abonnez-vous à ma chaîne. On est présentement rendu à 326 fans. Merci beaucoup de me suivre sur mon channel YouTube. Il y a également le Facebook des Accro des Jeux, facebook.com/accro des jeux. Il y a également le Twitter à commercial Accro des Jeux. Vous pouvez également m'envoyer un courriel à accrodesjeux@commercial.com. Et en passant, j'ai reçu un beau, beau email de la part de... Donnez-moi un instant, je vais aller le chercher rapidement afin que... je vais vous dire ça, ça sera très, très rapidement. Alors... Oh, Miley Cyrus! Non, mieux que ça! Alors... C'est, elle s'appelle Madame Ellen William Jackson, qui dit... Ah non, je l'ai faite la semaine passée, c'est vrai. Non, c'est Maria, qui dit « Salut, comment ça va? J'aime ton profil. Es-tu intéressé à voir mes parties intimes? Envoie-moi un courriel à telle adresse et je t'envoie mes parties intimes. » À tes envois? C'est vraiment ça qui était écrit, mais en anglais, là. Ah non, c'est pas super victorien, ça, là. Oui. Tu peux-tu nous donner, à titre totalement random, c'est quoi l'adresse qu'il faut qu'on envoie, là? Genre, c'est ponykarov@commercialpissem.net. Ah oui, ben oui. Attends, répète donc ça, j'essaie de le noter, là, juste pour... Non. ponykarov@commercialpissem.net. Je pense que là, t'es prêt à contribuer à un réseau international de... Trafic d'organes humains. Ouais, c'est ça, trafic d'organes, là. C'est du gros. Ouais, mais tout le monde est au courant que je niaise, hein. C'est sûr. Oh, vraiment? Pour vrai, man? Ben oui! Penses-tu réellement qu'elle va te montrer les parties intimes? Elle va vouloir plus te couper les couilles plus que d'autres choses. Non, mais elle voulait te les envoyer, t'as dit. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, mais la manière que j'ai traduit ça, là, ça a fait assez bizarre. Oh my god! Vive les 4 ans des accros, la gang! Alors, j'ai quasiment fini, ça sera pas très long. Je vous fais le tirage. Alors, inquiétez-vous pas, vous avez beaucoup à avoir aujourd'hui ce soir. Merci beaucoup à tout le monde d'être passé au podcast. Time-out en passant. Oui. Je vais faire propos au chandail, juste mentionner que le chandail est de grandeur large. Oh my! Il est quand même important. Tu oui. Es flatté dedans? Mais au pire, ça peut faire une jaquette si c'est une fille qui est dedans. Un pyjama? Non, au pire, il peut faire adapté. Une robe avec ça, là. Juste averti. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 personnes ont écrit dans le chat. Bon. Alors, je vais maintenant faire ça. 15. Préparez-vous, je veux avoir un bon roulement, s'il vous plaît. Là, puis je vois pas, puis pige-toi pas, là, parce que nous, on compte non, pas. Non, nous autres, je ne vous ai pas inquiet. Ok, few. 1, 2, 3. Go! George 6 a gagné. Ouais! George 6, pour recevoir ton prix, tu devras contacter Antithèse afin qu'il puisse t'envoyer ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis pour le 4 ans des accros. C'était le Big Ben. C'était Antithèse. Rétro Gamer PQ. Marie-Lune. Alpha. Et la Slime. Ah, Tanuka, vas-y. Et Tanuka. Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Soyez présents la semaine prochaine. C'était le Big Ben. Salut, à la prochaine. Salut. Bye!